Lorsque le produit réactif à l'air garde la couleur jaune, le test est négatif. On admet alors que le conducteur n'est pas en état d'alcoolémie positive. Lorsque le produit réactif se colore en vert, le test est dit positif. Dans ce cas, un contrôle précis est obligatoirement effectué. Il se fait au moyen d'un appareil homologué appelé éthylomètre ou d'une prise de sang. Ici, la couleur verte s'affiche. Il y a au moins un verre de trop. Réponse A.